Une lecture pour Audiocité par Martine de L'Ingénu, un conte de Voltaire. Chapitre 8. L'Ingénu va en cours, il soupe en chemin avec des huguenots. L'Ingénu prit le chemin de Saumur par le Coche parce qu'il n'y avait point alors d'autre commodité. Quand il fut à Saumur, il s'étonna de trouver la ville presque déserte et de voir plusieurs familles qui déménageaient. On lui dit que 6 ans auparavant, Saumur contenait plus de 15 000 âmes et qu'à présent, il n'y en avait pas 6 000. Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie. Plusieurs protestants étaient à table. Les uns se plaignaient amèrement, d'autres frémissaient de colère, d'autres disaient en pleurant « Nos dulcia linguimus arva, nos patriam fugimus. » L'Ingénu, qui ne savait pas le latin, se fit expliquer ces paroles qui signifient « Nous abandonnons nos douces campagnes, nous fuyons notre patrie. » « Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, messieurs ?»« C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. » »« Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas ? Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser ?» Car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. Ah, monsieur, ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. Mais, messieurs, de quelle profession êtes-vous? Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. Si votre pape dit qu'il est le maître de vos draps et de vos fabriques, vous faites très bien de ne pas le reconnaître. Mais pour les rois, c'est leur affaire. De quoi vous mêlez-vous? Alors, un petit homme noir prit la parole et exposa très savamment les griefs de la compagnie. Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie, il déplora d'une manière si pathétique le sort de 50 000 familles fugitives et de 50 000 autres converties par les dragons, que l'Ingénu à son tour versa des larmes. D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi, dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons, se prive ainsi de tant de cœurs qu'il aurait aimé, et de tant de bras qu'il aurait servi? C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois, répondit l'homme noir. On lui a fait croire que dès qu'il aurait dit un mot, tous les hommes penseraient comme lui, et qu'il nous ferait changer de religion, comme son musicien Lully fait changer en un moment les décorations de ses opéras. Non seulement il perd déjà 500 000 à 600 000 sujets très utiles, mais il s'en fait des ennemis. Et le roi Guillaume, qui est actuellement maître de l'Angleterre, a composé plusieurs régiments de ces mêmes Français qui auraient combattu pour leur monarque. Un tel désastre est d'autant plus étonnant que le pape régnant, à qui Louis XIV sacrifie une partie de son peuple, est son ennemi déclaré. Ils ont encore tous deux depuis 9 ans une querelle violente. Elle a été poussée si loin que la France a espéré enfin devoir briser le joug qui la soumet depuis tant de siècles à cet étranger et surtout de ne lui plus donner d'argent, ce qui est le premier mobile des affaires de ce monde. Il paraît donc évident qu'on a trompé ce grand roi sur ses intérêts comme sur l'étendue de son pouvoir et qu'on a donné atteinte à la magnanimité de son cœur. L'Ingénu, attendri de plus en plus, demanda quels étaient les Français qui trompaient ainsi un monarque si cher aux Hurons. « Ce sont les Jésuites, lui répondit-on. C'est surtout le père de la chaise, confesseur de sa majesté. Il faut espérer que Dieu les en punira un jour et qu'ils seront chassés comme ils nous chassent. Y a-t-il un malheur égal au nôtre ? Mont-de-Louvois nous envoie de tous côtés des Jésuites et des dragons. « Eh bien, messieurs, répliqua l'Ingénu, qui ne pouvait plus se contenir, je vais à Versailles recevoir la récompense due à mes services. Je parlerai à ce Mont-de-Louvois. On m'a dit que c'est lui qui fait la guerre, de son cabinet. Je verrai le roi, je lui ferai connaître la vérité. Il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent. Je reviendrai bientôt pour épouser mademoiselle de Saint-Yves, et je vous prie à la noce. » Ces bonnes gens le prirent alors pour un grand seigneur qui voyageait incognito par le Coche. Quelques-uns le prirent pour le fou du roi. Il y avait à table un jésuite déguisé qui servait d'espion au révérend père de la chaise. il lui rendait compte de tout, et le père de la chaise en instruisait Mont de Louvois. L'espion écrivit. L'ingénu et la lettre arrivèrent presque en même temps à Versailles.